Bonjour, je suis Véronique Pillot-Bouillet, praticienne en massages intuitifs et créatifs à Persignat dans le Puy-de-Dôme. J'ai l'envie de témoigner de la richesse de ce qui se vit entre mes mains. J'ai envie de faire découvrir ma pratique, car je sais que décrocher son téléphone pour demander un massage n'est pas si évident. J'ai envie que vous sachiez pourquoi le massage est une option géniale quand tout va bien, ou au contraire, quand rien ne va plus. Pour ces raisons, je vous propose des histoires inspirées de nos rencontres. La confidentialité est bien sûr respectée, même si certains se reconnaîtront peut-être, il y a de vous et de moi dans mes mots. Allez, bienvenue dans mon cabinet. Épisode 10, voyage en eau profonde. Décembre, tu es une femme, 45 ans. Tu arrives enroulée dans une grande écharpe moelleuse. Tu t'enfonces dans le fauteuil comme dans un nid. Chacun de tes mots est posé. Tu m'expliques que l'année écoulée a été intense émotionnellement pour toi. D'abord, lors d'un stage, tu as découvert l'immense colère qui te nouait les entrailles depuis des années. Puis est venue la tristesse de l'autre côté du miroir, jusqu'à recontacter un ressenti d'abandon vertigineux. Retour alors de tes mécanismes de protection, fugue et barricade. Et le retour en thérapie pour démêler tout ça. Tu en es au point où tu fais l'expérience de la vulnérabilité. Nouveauté. Tu la ressens intimement dans ton corps. Tu as la sensation d'arriver à ton centre, ton noyau dégagé de toutes les pelures qui t'intimaient d'être forte et courageuse en toutes circonstances. Tu te sens petite, toute petite. Presque le bébé qui vient de naître, voire même juste une graine. Parfois, tu te sens tombé dans des abysses. Ça te fait peur, surtout dans le noir de la nuit. Tu as d'ailleurs refait ce cauchemar d'enfance dans lequel tu tombais dans un ravin emporté par des flots boueux. Mais tu sens que tu pourrais aussi être ami de ces profondeurs, comme une sirène, comme quand tu nages avec délice. Tu as pensé au massage pour pouvoir expérimenter la vulnérabilité, et traverser ces ténèbres tout en étant accompagné. Tu voudrais aussi déposer ce qui n'a plus lieu d'être. Tu as besoin d'être là, juste là, d'arrêter le temps et voyager en toi. Tu en as envie comme un rituel pour clore cette année intense avant de t'ouvrir à l'an nouveau. Je choisis le silence pour ce voyage. Quelques craquements de parquet, nos respirations, les bruits feutrés de l'extérieur, ça suffira. D'abord de longs mouvements amples de la tête aux pieds, comme si l'eau te coulait dessus et emportait les poussières du temps. Puis dans un deuxième temps, je bâtis une sorte de cabane avec une couverture lestée et des coussins. Je t'offre la grotte où te rencontrer. Je peux alors te tenir la main sans plus bouger pendant de longues minutes, ou poser une main entre tes omoplates, sur ton front, ton plexus. Je t'accompagne, écho et témoin de tes profondeurs. Une larme coule tout doucement comme venue d'une source sous-marine. Tu te mets à trembler, comme l'arbre d'automne qui voit ses feuilles s'envoler. Tu me diras, après le massage, que tu as l'impression d'avoir vu le fond de toi. Tu as la sensation que le vide, le silence, la solitude, la légèreté ne seront peut-être plus des gouffres. Quand tu pars, la nuit est tombée et les étoiles sont là. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Mission accomplie. C'est un cadeau pour moi, ça, d'arrêter le temps. Merci, le massage. L'histoire que je viens de raconter est une expérience de massage parmi d'autres. Plus particulièrement un massage intuitif. Mon approche, centrée sur toi, l'humain, avec beaucoup de liberté, de créativité, d'adaptation, d'écoute et de confiance. En quoi ce récit t'a-t-il touché? Qu'en retiens-tu? Ferme les yeux, fais le tour de toi, de ton corps, de ta vie, et complète la phrase. Aujourd'hui, demander un massage me ferait du bien pour... Avec ce podcast, tu as découvert la source massage. J'espère que maintenant tu sais un peu mieux pourquoi demander un massage. Retrouve-moi sur Internet, Facebook, Deezer, Spotify et YouTube en tapant les massages de Véronique. À bientôt pour un nouvel épisode ou un massage ?